qui n'a pas de prix. De toutes mes mélodies, je ferai une couronne. Je pourrai le mauvais, le meilleur je te donne. Si ou aimez-moi, si ou chérie-moi. Je chanterai autant non que ton cœur seul résonne. De toutes mes mélodies, je ferai une couronne. Je brûlerai le mauvais. See you.